seule fois dans la vie, ça signifie pas de seconde chance. Je crois que toi et moi, on devrait se saisir au passage. Mais notre histoire dure toujours, qu'à jamais elle ne s'arrêtera. C'est notre tour, j'ai le cœur en fête, parce que cet instant c'est tout ce qu'on possède. Chaque jour de notre vie, je te veux à mes côtés, pour te serrer si fort dans mes bras. On est jeunes, rentrant dans la danse, mais gardons confiance. Chaque jour à partir de maintenant, réunira nos voix pour crier sur tous les toits. Prends ma main, ensemble nous allons célébrer chaque journée. On dit qu'il faut suivre ses rêves, persévérer pour réaliser ses projets. Mais si te perds en chemin, qu'est-ce que ça peut signifier? Peu importe où on va, tout commence ici. La vie prend de l'ampleur quand on écoute nos deux cœurs. Grâce à toi, j'ai découvert la force en moi. Chaque jour de nos vies, je te veux à mes côtés pour te serrer si fort dans mes bras. On est jeune, rentrant dans la danse, mais gardant confiance. À chaque jour, à partir de maintenant, on unira nos voix pour prier sur tous les toits. Pour pouvoir te serrer dans mes bras, petit inconscient. Je ne t'en veux pas, bien au contraire. Cela nous a permis à tous les deux de se satisfaire. Être plus amoureux que jamais, rien ne pourra nous désunir. Sauf la mort peut-être, tout ça pour te dire que je t'aime ma douce et que je suis triste sans toi. Triste de ne pouvoir te serrer dans mes bras. Crier le manque instinctif qui nous désunit. J'ai beau me battre, gagner toutes ces batailles, mais je ne suis pas un roi. J'ai tant souffert dans cet univers, noyé dans les verres d'alcool, connu la misère. La vie m'a rendu fort, sorti de la poussière. Relevé de terre, la tête haute, j'explose le flot. J'aiguise mon couteau, c'est pas du rap à l'eau. Mais heureusement pour moi, le garde-poids a toujours le sang chaud. Je te sens si loin de moi et si près à la fois. Je voudrais te toucher, sentir ton corps contre le mien. On s'est écrit tous les jours par SMS. On parle d'amour, de notre monde, de nous, de nos prochains rendez-vous et d'un rêve. Présent, souvenir d'un passé récent, de notre passion, toujours en éveil, aussi brûlant qu'un soleil. Nous avons revécu le coup de foudre avec un feu renouvelé chaque jour. Des baisers électriques et des corps à corps volcaniques. Vivre sans toi avec Phoenix, ça me semble impossible. Je me nourris de ta présence, je meurs par ton absence. Tu es mon plus beau poème.